Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, on va rire avec Nicolas Canteloup. Le premier best-of de Nicolas Canteloup s'est vendu à plus de 280 000 DVD. Une preuve que Nicolas Canteloup, toujours présent à la télévision sur France 2 et au Guignol de l'Info, est devenu un humoriste incontournable. J'aime l'Afrique. Je me sens africaine dans l'âme. Je suis né à Dakar, ne l'oubliez pas, Michel Drucker. Oui. Toute ma famille est africaine. Oh. Souvenez-vous, même mon ex-compagnon, François Hollande, était africain. Oui. Si, François Hollande, la Frestagada, était africain, souvenez-vous. Il était polygame. Ah, Madame Royal, un mot sur la ville de Lille. Martine Aubry a lancé des festivités qui vont durer pendant 4 mois. Lille XXL, ça vous inspire quoi, Madame Royal? Mais c'est un très joli nom pour une ville, pour une grande festivité, XXL. Par contre, je ne sais pas comment elle a trouvé ce nom-là. Martine Aubry, peut-être en triant du linge à elle. Elle est tombée, oui. Elle est tombée sur une petite jupe à elle. Elle a vu l'étiquette XXL. Elle s'est dit, tiens, c'est un joli nom pour les festivités de Lille XXL. Nicolas Canteloup, best of numéro 2. La suite des meilleures imitations de Nicolas dans Vivement Dimanche sur France 2. Un DVD, France Télévisions Distribution.